Si jamais je te revois, moi qui ai le mal de toi, je t'avouerai mon désarroi. Si jamais je te revois, je me souviens des nuits blanches quand on s'aimait comme les anges. Ce désir qui me manque sans toi, ce n'était pour moi qu'un jeu. Je m'ennuie de ce je te revois, moi qui ai le mal de toi, je t'avouerai mon désarroi. Si jamais je te revois, je me perds dans les souvenirs des choses que j'aurais dû dire, qui me font maintenant souffrir sans toi. La joie de vivre les perdus, des larmes chez moi. Cet amour si mal vécu, pourquoi? Si jamais je te revois, moi qui ai le mal de toi, je t'avouerai mon désir. Si jamais je te revois, si jamais je te revois.